Hallelujah. Right. Let us pray. Father, guide us with your mighty Holy Spirit. Conduis-nous in Jesus' name. Par ton Saint-Esprit puissant au nom de Jésus. You may be seated. Prenez place. Who is that? What, Henry? Henry is 10? Now, hallelujah. Hallelujah. 10 assignments 10 devoirs of Satan against Mission Internationale Jésus qui guérit. Contre la Mission Internationale de Jésus qui guérit. 10 assignments 10 devoirs of Satan de Satan against Mission Internationale Jésus qui guérit. Contre la Mission Internationale de Jésus qui guérit. Amen. Amen. Number one. Numéro un. Resistance and opposition. La résistance et l'opposition. Resistance and opposition. La résistance et l'opposition. You must know calling. Tu dois savoir. Of God. Take your time, brother. No calling of God goes unopposed. Aucun appel de Dieu part sans être opposé. Like an election. Comme une élection. A real election. Une vraie élection. Rarely goes unopposed. Ne part jamais sans être opposé. Are you surprised at what I'm saying? Est-ce que vous êtes surpris de ce que je dis? A real election. Une vraie élection. For a real seat rarely goes unopposed. Une vraie élection ne part jamais sans être opposée. If it's a real election, si c'est une élection qui est vraie, there would be a strong opposition. Il aura une forte opposition. In Ghana, au Ghana, our president, notre président, is seeking a second term. Il cherche une deuxième opportunité. For 4 more years, pour 4 autres années, to rule the nation. De régner it is not going unopposed. Mais ça n'ira pas sans être opposé. There is a strong opposition to that idea. Il y a une opposition forte à cette idée. Do you understand? Est-ce que vous me comprenez? Hillary Clinton wants to be the president of America. Veut être le président des États-Unis. That idea, cette idée, is not going unopposed. N'ira pas sans être opposé. Donald Trump wants to become the president of America. Veut devenir le président des États-Unis. That idea, cette idée, is not going unopposed. N'ira pas sans être opposé. No calling, aucun appel, of God, de Dieu, on your life, sur ta vie, or on my life, ou bien sur ma vie, goes unopposed. N'ira sans être opposé. Is it amazing? N'est-ce pas étonnant? Are you surprised? Est-ce que vous êtes surpris? You're surprised. Vous êtes surpris. Why are you surprised? Pourquoi vous êtes surpris? You not thought about it. No. There's no calling that is unopposed. Il y a aucun appel qui est sans être opposé. Yes. Oui. That idea will be opposed. Toute idée sera opposée. Wow. You want to be a pastor? Tu veux être un pasteur? You must be joking. Tu blagues. No call. Aucun appel. Goes. Va. Unopposed. Sans être opposé. You want to build Jésus qui guérit Mission Internationale? Vous voulez construire la Mission Internationale? You must be joking. Tu blagues, tu rigoles. Nothing like that idea will go without being opposed. Rien comme cette idée ira sans être contesté. Contesté. Glory to God. Gloire à Dieu. But we are going to crush the opposition. Mais nous allons écraser l'opposition. Amen. Amen. Satan has no plan to leave you just to feel you say God has called you. Satan n'a aucun plan pour te laisser en disant que Dieu t'a appelé. Oh, no. They will just stand for you like they will fight you. Tu vas être élu, il va te combattre. You say you want to build a church in Burundi? Tu dis que tu veux construire you une église à Burundi? You must be joking. As far as the demons are concerned. Tu rigoles. No calling goes unopposed. Aucun appel est sans no être spiritual contesté. Idea goes unopposed. No, aucune idée spirituelle n'est sans être First contestée. 1 Peter 5 verse 1 Pierre 5. First Peter 5 and 5, verse number 8. I want a Bible reader. I need a Bible reader. Je veux quelqu'un qui va lire. Be ye sober and vigilant. You make your things work, man. Stop playing games with me on stage. Do the right thing, man. Be sober. Sorry. Be vigilant. Because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Soyez sobre et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme une lion rugissante, cherchant qui il dévore. Adversary, l'adversaire, means opposer. L'opposeur. It means a person or a group. Il s'agit d'un quelqu'un ou bien or groupe, a force. Ou bien une force. Une that force. Opposes or attacks. Qui oppose an opponent. Attaque. A person. Une personne. A group. Une groupe. Or a force. Ou une force. That opposes. Qui oppose. So, I am experiencing a lot of opposition. Donc moi j'expérience beaucoup d'opposition. For what I'm doing. Pour ce que je fais. Always. Toujours. There is nothing like a calling. Il y a rien comme un appel. That goes unopposed. Qui n'a pas de contestant. Yes. When you come up with the idea of doing something for God. Quand tu sors avec l'idée de faire quelque chose pour Dieu, la Bible dit qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'adversaire. Person, peut être une personne, group, une groupe force, ou une force that opposes. Qui oppose. Or attacks. Ou attaque. So another meaning of the word adversary is attacker. Un autre mot pour l'adversaire, c'est la personne qui attaque. C'est lui qui attaque. Un attaquant. So many of you here are under attack. Beaucoup d'entre vous ici sont sur attaque. But you are not able to identify. Mais vous n'êtes pas capable d'identifier opposition. L'opposition. And the reason is because you are unable to link spiritual things with physical things. Parce que tu es incapable de lier les choses physiques et les choses spirituelles. Now, I'll show you something. Je vais vous montrer quelque chose. When Satan is existing here. Quand Satan existe ici. Physical things happen here. Les choses physiques se passent ici. I'll give you an example. Je vais vous donner un exemple. Read it. I'm just calling. Is Alice still there? Okay, I'm coming. Now listen, I'll give you an example. Je vais vous donner un exemple. You see, the woman. Have you heard that statement, "Woman, thou art loosed"? Est-ce que vous avez entendu cette phrase, femme? Listen to what Jesus said. She said, "Ought not this woman?" Écoutez ce que Jésus a dit. N'est-ce pas cette femme? Being a daughter of Abraham, qui est une femme d'Abraham, whom Satan hath bound. C'est lui que Satan a lié. No, these 18 years. Depuis 18 ans. The Bible says she was bowed over and could in no wise lift herself up. La Bible dit qu'elle était courbée, elle ne pouvait pas se lever. Look. Even in the wicked secondary schools that we have, même dans l'école secondaire que nous avons méchante, when they give you punishment to bend over, maybe for 1 hour, quand on vous punit de faire courber, peut-être 1 heure, peut-être 2 heures, but Satan has made the woman bend over for 18 years. Mais Satan a fait en sorte que, mais Satan l'a fait courber pendant 12 ans. Yes. Oui. Yes. A lot of physical, you see, physical bending over caused by the presence of a devil. L'effet d'être courbé physiquement est causé par la présence d'un diable. J'arrive. Are you there? Yes. Êtes-vous là? So a lot of physical things you experience. Donc beaucoup de choses physiques que vous expérimentez. Caused by devils. Est causé par des diables. I'm not talking for a vision, just from the Bible. Bend over, cool. 18 years. Not even an hour or a day. Même pas a punishment that we have in school. 18 years. 18 ans. Are you there? Êtes-vous là? So, donc, it means ça veut dire an adversary, un adversaire, means a bad person. Un adversaire veut dire quelqu'un méchant. Yes. It also means an antagonist. Ça veut dire aussi un antagoniste. Antagonist. Un antagoniste. Amen. Amen. So the first assignment le premier devoir of Satan against your life and ministry is resistance and opposition. C'est la résistance et l'opposition. Number two, numéro 2, frustration. Frustration. Frustration. La frustration. Turn to Daniel chapter 7, verse 25. Daniel 7, verset 25. It says, Daniel chapter 7, verse 25. It says, and he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High. Underline it, wear out the saints. And think to change times and laws. And they shall be given into his hand until a time and times and the dividing of time. He shall speak great words against the Most High and shall wear out contre the saints of the Most High. Il va épuiser les saints du Très-Haut. Until you are tired, wear you out. Fatigué, va t'épuiser. This is the satanically inspired works. Ça, c'est une œuvre inspirée par Satan. He shall wear out the saints. Il va épuiser les saints. That's why one time I had a camp and I said to the people, Satan will be tired before we are tired. C'est pour cela qu'un jour, j'ai eu un camp, j'ai dit que Satan sera fatigué avant que nous soyons fatigués. He shall wear out. Va épuiser. So when you sit down, you say, donc quand tu t'assois, I'm worn out. Tu dis, je suis épuisé. I'm tired. Je suis fatigué. A simple job becomes a long thing. Un petit travail devient quelque chose de long. A short thing becomes a very long thing. Juste quelque chose petit, simple, complexe. Ça devient quelque chose complexe. Sometimes you should see my meetings. Des fois, il faut voir dans mes réunions, pastors, des pasteurs, and bishops, et des évêques. Very complex. Très complexe. You can't even understand what is tu happening. Tu ne peux même pas comprendre ce qui se passe. Hey. Hey. They shall wear out the saints. Ils vont épuiser les saints. Whatever is wearing you out now. Tout ce qui t'épuise maintenant. I curse that thing in your life in the name of Jesus. Je le maudis dans ta vie au nom de Jésus. That word I am tired should never come out of your mouth. Cette phrase je suis fatigué ne sortira jamais de ta bouche. Never. Jamais. Number three. Numéro 3. Blocking. Blocage. Blocking. Blocage. These are satanic assignments against you. One is opposition and frustration, resistance and opposition. Number two, frustration. Daniel 7:25. Number three, blocking. Numéro 3, blocage. Ça, ce sont les devoirs de Satan dans ta vie. When you are blocked, quand tu es bloqué, even those who play soccer, they know what is blocking. Même ceux qui jouent au football, ils savent ce qu'ils veulent dire. You stop the person dead. Tu as bloqué la personne là. No, not even one step more. Just même un pas, il ne peut pas prendre. Blocking. Il est bloqué. Many people said, I'm going to work for God. And a blocker came and said, no. Beaucoup de gens ont dit qu'ils vont travailler pour le Seigneur, mais le bloqueur est arrivé. Sometimes you need a permit. Des fois, tu as besoin d'un permis. And there's a blocker. Et il y a un bloqueur. Satan has sent somebody, inspired somebody to block it. Satan a inspiré quelqu'un à envoyer quelqu'un blocking bloquer. Demon. Un démon qui bloque. When we were building our church in Lagos, quand nous construisons notre église à Lagos, a blocker, un bloqueur to block the building. Yes. Est venu bloquer la construction. I used to pray in the night. Nous prions dans la nuit. Mention that the blocker et en mentionnant should be removed. Que le bloqueur doit être enlevé. Because every day parce que toute chose, there was something new. Il y avait quelque chose de nouveau. The pastors used to go and sit there. Les pasteurs partaient là-bas. Up and down. Ils marchaient là-bas. Ils font des va-et-vient. Up and down. Ils faisaient des va-et-vient. For a long time, a block you will never build. You will never build it. You will never finish it. Ils étaient bloqués, qu'ils vont jamais construire. One day. Un jour. They were sitting there, and then the boss. On était là. One of the bosses came and said. Et le chef est venu nous dit. Go and finish your church. The people. Allez-y. Who are opposing are no more here. Que les gens qui opposaient ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Whatever is blocking your life. Toute chose qui bloque ta vie. Whatever is blocking your future. Toute chose qui bloque ta future. Cast it now in the name of Jesus. You are declared unblocked in Jesus. Tu es déclaré unblocable au nom de Jésus. Matthew 16. Matthieu 16. Blocking. Blocage. From that time forth, Jesus began to show unto his disciples how he must go to Jerusalem. Pendant ce temps-là, suffer many things. Pendant ce temps, Jésus disait à ses disciples comment il ira au Jérusalem et il va souffrir beaucoup de choses. And the chief priests of the chief priests and elders and be killed and be raised again on the third day. Then Peter took him aside and began to rebuke him, saying, "Be it far from thee, O Lord, this shall not be." This shall not be. Yes. Block him. You will not die on a cross. This shall not be. Then Jésus commence à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, souffrir beaucoup de choses et faire part des anciennes, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut à mort et qu'il ressuscitera le troisième jour. Pierre l'ayant pris à part et mis à le réprimander. But he turned unto him and said, Peter. Mais il s'est tourné vers lui en disant, Pierre. He said unto Peter, get thee behind me, Satan. Arrière de moi, Satan. Yes. Satan. So Satan was blocked when he said, I'm going to the cross. No, you will not go to the cross. You will not go to the cross. Satan l'a bloqué. Il a dit qu'il va aller sur la croix. Il a dit, non, tu n'iras pas. Many people have desired to go on the mission field. Beaucoup de gens ont désiré d'aller en mission. Satan said, no, you will not. Servir Dieu, Satan a dit non. Through a good person. À travers une bonne personne. Through a good person. Une bonne personne. Yes, a good person. Une bonne personne. You see, a Christian must hear voices. Vous voyez, un chrétien doit entendre des voix et savoir quelle voix est de Dieu. If we get the chance, we come to that section. Si nous avons le temps, on ira dans cette section. But one person. Person can be your wife. Quelqu'un speak peut you as a wife. The ta next femme, can speak you as Satan. Il va te parler comme une femme, il va te Most parler comme cannot ça, comme discern Satan in their close Beaucoup person. De personnes ne peuvent pas discerner Satan dans les personnes qui sont proches d'eux. Peter was the, he had been appointed. He was appointed in Matthew 16. We are still in Matthew 16. Peter a été nommé en Matthieu 16. Nous sommes toujours à Matthieu 16. Verse 14. Verset 14, il était le rocher. Six verses later, he was. Six versets plus tard. Satan. Il est devenu Satan. You will not go. Tu n'iras And pas. Jesus immediately recognized the blocking. Et Jésus a reconnu immédiatement le bloqueur. There are some wives who say you femmes, are not going. Il y a des épouses qui vont dire que tu n'iras pas. You will not go. Tu n'iras pas. And some will not say it openly. Et certains ne vont pas dire ouvertement. With their face. Mais avec leur visage. With an attitude. Avec une attitude. With an invisible vibration. Avec une vibration invisible. The voice of silence. La voix de silence. Yes. Are you listening? Est-ce que vous m'écoutez? Block you. Le blocage. Some of you brothers. Certains d'entre vous les frères. Wanted to serve the Lord. Vous avez voulu servir l'Éternel. And a blocker came in the Un bloqueur est arrivé. He said, "You pass through me first." Il a dit, tu vas me passer d'abord. That was the end of your ministry. Ça, c'était la fin de ton ministère. Whatever blocks you, que toute chose qui te bloque, declare the blocking is unblocked. Nous arrachons le bloqueur. Sometimes your own mother can block you. Des fois, ta propre mère va te bloquer. Sometimes your father can block you. Des fois, ton père va te bloquer. Blocking occurs through people. Le blocage se passe à travers les hommes. But Jesus Mais Jésus was able to say Satan to the very person he appointed. Il était capable de dire Satan à la même personne qu'il a nommé. One day, un jour, I met a certain pastor. J'ai rencontré un certain pasteur. His church was destroyed by his wife. Son église a été détruite par sa femme, par son épouse. About 1,000 people had left the church. À peu près 1000 personnes ont quitté l'église. And they were left with about 100. Et il n'y avait que 100 qui restaient. Shh, are you listening? Est-ce que vous m'en suivez? The last 100. Les derniers 100. The wife. L'épouse. Gave one of them a dirty slap. A donné un gifle à l'une d'eux. And after that. Et après. The pastor had to leave. Le pasteur devait partir. Now I was talking to one of the assistant pastors. Je parlais de l'un des assistants pasteurs. And he said to me. Il m'a dit, we have made a mistake. Nous avons commis une erreur. We allowed the spirit of Jezebel. Nous avons to grow in our midst. Nous avons laissé l'esprit de Jézabel de grandir so parmi many nous years. Pendant we beaucoup never d'années. Stopped it. Et on l'a jamais arrêté. You see, but, and you see, it takes something to see Satan. Vous voyez ça, il faut quelque chose pour voir in Satan. Somebody you like. Dans quelqu'un que tu aimes. Or somebody you love. Ou quelqu'un que tu aimes. Or somebody you've appointed. Ou quelqu'un que tu as nommé. Or somebody who is close to you. Ou quelqu'un qui est proche. Or somebody whom you have married. Ou quelqu'un que tu as épousé. So he said, we made a big mistake. Ils ont commis une grande erreur. We allowed the spirit of Jezebel. Ils ont laissé l'esprit de Jezebel. To destroy everything we have said. Now he told chose. Me, now I don't have a job. Il dit maintenant je n'ai pas de travail. He said, I've worked here for 20 years. Je travaille ici pendant 20 ans. I have nothing. J'ai rien. I have nowhere to go. Aucun endroit à aller. I made a mistake. J'ai fait une erreur. Whatever disguise Satan is using que to block you. Toute manière que Satan utilise pour te bloquer aujourd'hui. I declare je that déclare the blocking is unblocked in Jesus. Que ce blocage est ouvert au nom de Jésus. Amen. Amen. Number 4. Numéro 4. Ten demonic assignments against you and against Mission International Jesu Kigeri. Number 1 is what? Resistance. Numéro 1. Number 2 is numéro what? 2. Frustration. Frustration. Number 3 numéro is what? 3, c'est quoi? Blocking. Number numéro 4. 4. Temptation. Tentation. Mark chapter 1 verse 12. And immediately, Mark 1, verset 12. That's immediately after Jesus was anointed. Dès que Jésus a été oint. The Spirit driveth him into the wilderness. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus le désert. And he was there in the wilderness 40 days. Tempted. Tempted for 40 days of oui. Satan. Où il passa 40 jours dans la tentation, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges les ont servis. Wow. Wow. Temptation. Tentation. Is different from resistance. Est différent de la résistance. Is different from blocking. Différent de blocage. A temptation is a test. Une tentation c'est un test. To see if you will fall. Pour voir si tu vas tomber. A temptation is a test. Une tentation c'est un test. To see if you will fall. Pour voir si tu vas tomber. If you will respond. Si tu vas répondre, tu vas réagir. And Jesus was tempted with food. Jésus a été tenté par la nourriture. That's the flesh. Ça, c'est la chair. He was tempted with his power. Il a été tenté par son pouvoir. And he was tempted to have a shortcut to, il a été tenté pour avoir un raccourci de grandeur, vers le grandeur. He was tempted with a short, so just do this and you'll be great. Il a été offert un raccourci. Take over the church and you are the bishop. Prends contrôle sur l'église, tu seras l'évêque. You don't have to struggle. The man said he would transfer you here and there before you be a bishop. Just take over the church where you are. Nobody can transfer you again. Tu n'as pas besoin de te battre. Il a dit que tu vas te transférer avant que tu deviennes un évêque. Prends contrôle de l'église et tu vas devenir un évêque. C'est une tentation d'un raccourci. Anywhere. De n'importe où. He said to him, just bow down. And you will be the Lord of the whole world this afternoon. Loue-moi simplement, tu seras le, tu, le monde t'appartiendra aujourd'hui. Now, temptation of your flesh. La tentation de ta chair. Your flesh is something that Satan pushes with his nose. Ta chair, c'est quelque chose que Satan pousse avec son nez. You see, when God punished the serpent, quand Dieu a puni le serpent, il lui a dit, you eat dust. Tu mangeras la poussière. You see, you eat dust. Il a dit, tu mangeras la poussière. So Satan's food dans la, is dust. Le repas de Satan est la poussière. And you, your flesh. Et toi, ta chair. Dust thou art. À poussière. And to dust thou shalt return. Et à la terre que tu vas retourner. So, he loves your flesh. Il aime ta chair. So he comes to poke you. Donc il vient pour te provoquer. He'll be poking you till you have erections. Il va te provoquer jusqu'à ce que tu auras une érection. Les désirs. And feelings. Les sentiments. Oof. Oof. I need a man. J'ai besoin d'un homme. I need a man tonight. J'ai besoin d'un homme cette nuit. It's just your flesh. Ça c'est juste ta chair. Your flesh is stirred up. La chair est activée. I can't sleep alone in my bed. Je peux pas dormir seul dans mon lit. It is a snake that is pushing your flesh, that is eating your flesh. C'est un serpent qui se sert de ta chair. Yes. He loves it. Il aime cela. He loves it. So all the drinking, smoking, alcohol, sex, drugs, that spoil the flesh. So he said, it spoils the flesh, is destroyed. Dans tous les boissons, l'alcool, le sexe, la cigarette, ça nourrit sur la chair et tu vois que la chair se détruit. Whatever is tempting you. Toute chose qui te tente. Let me show you a secret before you start. Montrer shouting. Quelque chose avant que vous ne criez. Let me show you a secret. Que je vous montre quelque chose. The flesh. La chair. Is not a small thing. N'est pas quelque chose de petit ou simple. You see, many people are advising that you should become a pastor when you are old. Beaucoup de gens vous conseillent d'être un pasteur quand vous êtes vieux, âgé. By that time, pendant ce temps, your fleshly desires, tes désirs less. De la chair, but it's not true. Vont baisser, mais c'est pas vrai. Because temptation, parce que la tentation, continues, continue throughout your life, à travers if ta it vie. If it's not with this, it will be with that. C'est pas pendant cette période où l'autre. Abraham, Bible says in Genesis, it says, and the Lord did tempt Abraham. Abraham, la Bible dit en Genèse que le Seigneur l'a tenté. He has given birth to Isaac. Il a accouché Isaac. He is 100 and about 220 years il a old. Presque 120 ans. And he was being tempted. Il a été tenté. And God told him march to Mount Moriah. Dieu lui a dit d'aller au Mont Moriah, un homme vieux. Under temptation. Avec la tentation. For 3 days he was pendant marching. 3 jours il marchait. 150 years old. 150 ans d'âge. Huh? You would have thought that the temptation would finish when you are 25. On aurait dû dire que la tentation va finir à l'âge de 25 ans. But he was experiencing strong temptation. Mais il expérimentait des tentations in a different fortes. Way. Dans une autre manière. Yeah. So form of temptation dans in toutes your life sortes de tentations dans ta vie tests you qui te teste is Satan. C'est Satan. Including the person. Inclut la personne. Whatever girl toute sorte is a de form fille of temptation to t'es you. Forme de tentation. Because you see that toi. It's not all girls that you are tempted by. Parce que tu verras que c'est pas toutes les filles there qui te tentent. Some girls when they come You are under a kind of charm. Tu as aussi un certain charme. She knows the way to move. Elle sait comment bouger. She knows the way to talk. Elle sait comment parler. The voice is a special voice for you. Ça, c'est une personne spéciale pour toi. She understands you. Elle te comprend très bien. Hey! Hey! And et it is a temptation to c'est une tentation. And some of you girls, certains d'entre vous les filles, any man, tout homme, who comes and speaks in a deep voice, qui vient et parle avec une voix basse. Hi baby. Hi chérie. Hi darling. Je t'aime chérie. You are so weak. Tu es si faible. You've been falling. The flesh. La chair. You don't joke with it. On ne blague pas avec. If you joke with your flesh. Si tu blagues avec ta chair. You fall. Tu vas tomber. But there are some things that it's not possible to even overcome. Parce qu'il y a certaines choses qui n'est pas possible avec toi. One day I was talking to a pilot. Un jour j'ai parlé avec un pilote. I was asking him about a certain plane that crashed in Paris. Je lui ai demandé par rapport à un avion qui s'est écrasé à Paris. He was explaining. Elle m'expliquait. I was discussing with him a plane that took off, but the pilot saw that the engine was on fire. Il s'agissait d'un avion qui a décollé, mais le pilote a vu. Before they told him, your engine is on fire. Et un moteur qui était en feu, on lui avait dit. But the pilot explained to me that there is a place. Mais le pilote on m'a the expliqué run, when you get there, you can't stop. Qu'il y a un endroit sur la piste de décollage que dès que tu arrives this là-bas, was the Concorde. Tu peux pas arrêter. Ça, c'est Concorde le Concorde. Paris. Le Concorde yeah. À Paris. So they saw the fire before ils ont they vu took off. Le feu avant de décoller. They saw, they were going, they said, your engine is on fire. They on a dit it. Que son moteur est enflammé. Where they've reached. Mais là où ils étaient, can't come back. Look, the flesh, la it's chair, it's like a Concorde. C'est comme un Concorde. When it reaches a certain place, dès qu'il arrive à un certain it can't endroit, come back. Il ne peut it plus reculer. Stop. Il ne peut pas aye. S'arrêter. So you see many times vous voyez, you are on the runway. Tu es sur you la see piste. That you have to you take off. Tu vois que tu es en train de vouloir décoller. You can't stay. Tu peux pas rester. So if you joke and say, oh, we are just practicing takeoff. Donc si tu blagues en disant que tu exerces simplement we are just le practicing décollage. On est juste en train de avant que tu ne saches, tu ne pourras plus s'arrêter. Some of you have been practicing on the runway. Certains d'entre vous ont pratiqué sur le piste de décollage. Are you listening to me? Est-ce que vous me suivez? Temptation. Tentation. Whatever man. Look, if you have a man who calls, you see, there are some of you, there is a man if he calls you today. Si, il y a, c'est entre vous, il y a un homme qui vous appelle. Maintenant, là, vous allez partir. Come. Vous allez dire, viens. I'm lonely tonight. Je suis seul cette nuit. Hi, this is James. Chérie, voici Jacques. And you say, hi, James. Et tu diras, hi, Jacques. Hi, James. Hi, Jacques. You have to change the name from James. You edit. You go to edit in your phone. Tu dois changer and you go le to nom. Names. de Jacques. And you change, you take the name James and you delete it all and you write don't answer. Tu vas sur ton téléphone, tu enlèves le nom Jacques, tu écris when ne réponds pas. You, quand you see the phone, don't answer. Tu vois ton téléphone, ne répondez pas. Don't answer is calling you. Ne répondez pas, vous appelle. Temptation. La tentation. Number 5. Numéro 5. Frightening people. Les gens effrayants. Number 5. Numéro 5. Frighten you. Les gens pour t'effrayer. Frighten you. Satanic assignment against you is to frighten you. Le devoir satanique contre toi c'est pour t'effrayer. And make you afraid. Te rendre peur. Of things. Des choses. That you see. Que tu vois. Hey, this thing happened to you. Most of us are afraid of something. Beaucoup d'entre vous ont peur de quelque Every chose. Every fear in you. Toute peur en toi. The work of the devil in your life. C'est l'œuvre de Satan dans ta vie. L'œuvre du diable dans ta vie. Satan has tried to frighten me many times. Satan a essayé de m'effrayer plusieurs fois. God, the Bible says in 1 Peter 5, it says, mais la Bible dit that your adversary, the devil, goes around as a roaring lion. Ton adversaire, il va comme un lion rôdant. Your heart. Quand tu attends, ton cœur. One day, un jour, I had a vision. J'ai eu une vision. I was in a large house. J'étais dans une grande maison. In the night. Dans la nuit. And I found myself outside the house, the Et main house. Je me suis trouvé en dehors de la maison. In the garden. Dans le jardin. And it was dark. Il était nuit. But the moon was shining. Mais la lune éclairait. So I could see, but it was dark, and je there was nobody around. Mais il faisait sombre, il n'y avait personne. Locked. And as I was in the garden, the Et house was au like jardin, a rectangle. I was in the garden. La maison était carrée, j'étais dans le jardin. I heard a noise. J'ai entendu un bruit. Oh. And I knew that a lion was on the other side. Je savais qu'il y avait un lion de l'autre côté. It was coming round. Il venait, il s'est contourné. And I started to run. J'ai commencé à courir round the house. Autour de la maison. And the lion was Et le lion coming. Il venait aussi. And it was getting close. Et il s'approchait. Then the main house it was locked. Et la maison principale était fermée. But there was a small house. Il y avait une petite maison. Side, somebody's house. La maison de quelqu'un. And suddenly. Et subitement. I realized that my last. J'ai réalisé que ma dernière option. Is to enter this. C'est de entrer cette petite maison. And I entered that. Room and slammed the je suis entré dans ces chambres, j'ai fermé and la lion porte. Came in. Et le lion est venu. Le Seigneur m'a montré que la maison que je suis entré, escape for you. C'est un lieu d'échappe pour moi, and échappement pour moi. Whose house it was. Il m'a montré la personne à laquelle cette maison appartient. Yes. To escape from the fearful lion. Un abri pour le lion effrayant. You see, one day I went to a place called Lion Park. Un jour, je suis allé dans un endroit qui s'appelle un parc de lions. Lion Park. Un parc de lions. That place, the lions are not in any cage. Cet endroit-là, les lions ne sont pas casés. It is a gate. C'est un That you pass through. Portière que tu traverses. And they close the gate. Et on ferme la barrière. And you drive through. Et tu conduis. With the car. And they dans say, la voiture. Et ils disent, do not come out of the car at any time. Il ne faut pas Never. Sortir de la voiture n'importe quel moment. And as you are driving, it's not a big place. No. Quand on conduit, c'était pas un endroit grand. It take you five minutes. You just go around. Like cinq minutes juste pour aller. Maybe as big as the car park outside. That's all. C'est juste comme le parc qui est dehors. Comme le, But there are trees and there's a small road. You go like this. Avec des arbres, il y a la route qui passe comme ça et ça sort. When we were going, quand nous partons, we stopped. On s'est arrêté. And a lion. Et il y a un lion. They were sleeping. They were lying. Ils étaient en train de looking at us. And one of them got up. On le regardait. Il y a un qui s'est levé. Came to the il car. Est venu vers la Listen, voiture. The head is bigger la than the window. Tête est plus grande qu'une fenêtre. It's bigger than the window. La tête plus grande qu'une fenêtre. Yes. And it came right to the glass. Il est venu jusqu'au verre. And I told the one who was driving, I said, listen. J'ai dit à le chauffeur, j'ai dit, écoutez. Move the car in the name of Jesus. Fais bouger la voiture au nom de Jésus. Now. Maintenant. You'll be afraid. Tu auras peur. You'll be afraid. You'll be afraid. Tu auras peur. A few months later, quelques some mois Chinese plus tard, people came there. Des Chinois ont venu là-bas. And they came out of the car. Ils ont sorti de la voiture. To take pictures pour and whatever. Prendre des photos. The lions ate them. Un lion les a mangés. Yes. Look, a lion. It's only when you see it in a picture that it's nice. Un lion, c'est simplement quand tu le vois dans une photo qui est only beau. Only the picture. Juste dans une photo. But in real life, un vrai lion. You see that your heart. Tu vois que ton cœur. Will be beating. Va battre. One day. Un jour. Somebody took me to a place where they were rearing lions. Quelqu'un m'a amené à un endroit où on élevait les lions. He said we should go inside. Il m'a dit d'y entrer. He said let's go. When we got inside, dès qu'on est entré, there were a lot of baby lions. Il y avait beaucoup de lions. At a point, les lionceaux, at a moment, the lions became agitated. Les lions étaient agités. Même les enfants, one of les them lionceaux. Held my. Look, then the man who was the trainer, I said, you know, how quickly. Le monsieur even qui, the babies. Qui était là, il nous a dit de quitter yeah. rapidement, même les Just enfants. Même les lionceaux. The Bible says your enemy. La Bible dit que ton It's ennemi, like a lion. Il est comme un lion. Yourself will be afraid. You know that it's not a small thing. Il nous cause à être there are many times I've seen things. I become afraid. Il y a beaucoup de temps que j'ai vu quelque I don't chose. Want to, j'ai I don't eu want peur. To be a pastor. Je veux pas être un pasteur. I don't want to be a pastor. When I say no, I don't want to be a pastor. Quand je vois ça, je dis non, je I'm veux pas être un pasteur. J'ai peur de cette I chose. I see this trouble. I say, hey, je I'm vois afraid ce of problème. This. Je dis non, j'ai peur I de say, ça. See, I've all through before I started throughout. You see this? Hey, tu vois la chose avant même. What about if this one also happens to me? Et si cette chose m'arrive? But it's all the voice of Satan. Mais tout ça c'est la voix de Frighten Satan. You. Frayez. Fuis. Fuis. But it's nothing, no. But it's fear, fear. La peur. Rah! Fuis. Wow. Wow. Whatever is frightening you in your life, toute chose qui whatever is redirecting you in your life, I cast that frightening thing in the je name of Jesus. Cette chose qui t'effraie au nom de Jésus. You are delivered from every fear. Tu es délivré de toute peur. Hallelujah. Hallelujah.